Je sais pas, j'y veux, ouais, comment on fait pour être flic? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a sorti des mots du dictionnaire. Oh là là là là là. Il m'a fait... Il faut passer des tests provisionnels. Provisionnels, c'est ouf les gars. Non, c'était psychologie. Ah putain. Là, je vais faire. Il m'a fait parler pour rire pendant 12 minutes et faire le tour de la fenêtre. Tu veux pas ce kef? Kef, c'est bien. T'es fou, toi? Tu veux que je me fasse afficher par les autres? À 6 ans à l'école, tu apprends à être enfermé. Écoutez sagement, puisque le maître va te parler. Toutes les tables en rang, 60 cm de côté. Voilà les temps nouveaux venus l'être discipliné. Satan l'instit surveille les têtes tout en faisant de grands sourires. Histoire de reconnaître qu'un chef peut naître du désir. Pédagogie néo-ancienne, option croyance supérieure. Tout ça pour ton bien, comme ils disent, pour te rendre meilleur. T'enseigne les maths dans les supermarchés. En français, on t'explique que la révolution est passée. En cours sur le corps, on te démontre qu'il est très nocif de fumer. En travaux pratiques, on te force à fabriquer des cendriers. À 9 ans, on t'inculque la liberté d'aller voter. Et la capacité pour en 50 ans t'oublier. On applique le civisme et l'on est l'idée déléguée. S'agirait pas plus tard qu'ils remettent en cause les lois sacrées. À 10 ans, dans la cour, on serait parti à la récré. Les garçons rois du centre, les filles rasent les côtés. C'est normal, dit l'instit, elle risquerait de se laisser. Allez rentrer en cours, on va parler sexualité. C'est toujours l'angoisse de la note qu'on va avoir. On apprend le mérite, c'est tellement sain comme savoir. On demande à son voisin, approfondit la connaissance. On a pendant 11 ans intégré sur la concurrence. À 12 ans c'est le collège et on te raconte que t'es grand. Comme si on devenait adulte en perdant ses rêves d'enfant. Toujours ce cri strident s'aligner devant le trait du préau. Attends dans le signe du prof comme le berger avec son troupeau. À 13 ans, faut que tu commences à t'interroger sur toi-même. Connaître tes intérêts pour qu'on te mette bien dans la bonne chaîne. Quitte à être exploité autant que ça te plaise un minimum. Pour que tu rationalises et pour que tu t'y fasses en somme. À 14 ans, on te raconte qu'il n'existe plus de commune. De Paris ou d'ailleurs, et ce depuis 8 ou 10 lunes. Que le 19e siècle en France n'a jamais existé. Que les révolutions ne sont plus qu'un mythe inventé. À 15 ans, tu voudrais pouvoir embrasser ton ami. Mais le surveillant rôde, et c'est passible d'être puni. En plus, ces histoires de cœur, c'était déjà vachement compliqué. Faut croire que l'amour, c'est pas utile quand on veut vivre en société. À 16 ans, on est égaux, mais Ahmed va bosser en LP. Tandis que Jacques-Henri, pour l'école sup, est bien lancé. Christian ou Nathalie, BTS université. Tandis que Zamina, du coup, risque d'être expulsée. 17, 18, 19, tu refais de même jusqu'à bosser. Intellectuel ou pratique, paraît que c'est deux choses opposées. Et la force de l'esprit vaut mieux pour être rétribué. Et la force du pénis aussi, ça leur a pas échappé. Il va de soi que les âges ne doivent sembler des paliers. Qu'à chaque année scolaire, on mixe le tout dans des cahiers. Par enfant réinventer la lutte des classes et refuser de devoir être jugé coupable, de devoir être incarcéré. Parents, enfants, il faut lutter, la lutte des classes est amorcée. Pour ne plus être jugé coupable, pour ne plus être incarcéré.